Fioretti, ou Petite fleur de saint François d'Assise, légende du Moyen Âge, traduite pour la première fois par Monsieur Labériche. Chapitre 31. Comment saint François connaissait exactement les secrets de la conscience de tous ses frères. Notre Seigneur Jésus-Christ dit dans son évangile, « Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. » Semblable au bon pasteur, le bienheureux Père, saint François, connaissait, lui aussi, par une révélation divine, les mérites, les vertus et les défauts de ses compagnons. De cette manière, il savait appliquer à chacun le remède qui lui était le plus convenable, humiliant les superbes, relevant les humbles, blâmant le vice et encourageant la vertu. C'est là ce que nous apprend le récit des admirables révélations qu'il eut au sujet de ses premiers disciples. Un jour qu'il s'entretenait avec eux des choses de Dieu, dans un moment où frère Ruffin était en contemplation dans le bois, ce frère venant à passer près d'eux, le saint l'aperçut, et se tournant vers ses compagnons, il leur dit, « Quelle est, à votre avis, l'âme la plus sainte que Dieu possède ici-bas ? » Et comme tous répondaient que c'était la sienne, il reprit, « Mes bien-aimés frères, je ne suis, pour moi, que le plus indigne et le plus vil de tous les hommes, mais, voyez-vous frère Ruffin qui sort maintenant du bois, Dieu m'a fait connaître, par révélation, que son âme est une des plus fidèles et des plus pures qu'il y ait au monde, et je lui donnerai, sans hésiter, dans un corps mortel, la qualité de sainte, car elle est confirmée en grâce et en sainteté, et Jésus-Christ notre Seigneur l'a déjà canonisée dans le ciel. » Telles furent alors les paroles de saint François, mais il évita toujours de s'exprimer ainsi en la présence de frère Ruffin. On vit clairement aussi qu'il avait une parfaite connaissance des défauts de ses frères. Il en donna des preuves par les fréquents reproches qu'il adressait à frère Élie, à cause de son orgueil, par ceux qu'il faisait au frère Jean de la Chapelle, auquel il prédit qu'il finirait par se pendre, à un autre frère encore, que le démon tenait serré à la gorge, quand on le corrigeait de ses désobéissances, enfin à beaucoup d'autres dont les vertus et les vices lui étaient connus par la révélation que Dieu lui en faisait. Chapitre 32. Comment frère Massé obtint du Christ la vertu d'humilité. Les premiers compagnons de saint François s'appliquaient de tous leurs efforts à devenir pauvres des choses de la terre, et à s'enrichir des vertus qui procurent le véritable trésor, le trésor céleste et éternel. Un jour qu'ils étaient réunis et qu'ils s'entretenaient de la grandeur de Dieu, l'un d'eux rapporta l'exemple d'un homme singulièrement aimé du Seigneur, favorisé des grâces les plus abondantes pour la vie active et contemplative, et qui, néanmoins, se conservait si humble qu'il s'estimait le plus indigne des pécheurs. Il ajouta que l'humilité le sanctifiait, le confirmait en grâce, le faisait croître en vertu, lui attirait un grand nombre de faveurs de la part de Dieu, enfin, qu'elle était pour lui comme un rempart inébranlable contre le péché. À ce récit des effets merveilleux de l'humilité, frère Massé, voyant que là se trouvait un trésor de vie éternelle, se sentit si vivement enflammé d'amour pour cette vertu et du désir de l'obtenir, que, dans sa ferveur, levant les yeux au ciel, il forma le vœu et le ferme propos de ne plus se permettre aucune jouissance qu'il ne l'eût obtenue en sa pleine possession. Dès lors, il demeurait presque continuellement renfermé dans sa cellule, se livrant à toutes sortes de macérations, aux jeûnes, aux veilles, à la prière et aux larmes, pour obtenir cette précieuse vertu sans laquelle il se croyait digne de l'enfer, et que cet ami de Dieu, dont on lui avait parlé, possédait un si haut degré. Depuis longtemps déjà, il était animé de ses sentiments, lorsqu'un jour il entra dans le bois, errant çà et là tout baigné de larmes, poussant des soupirs et demandant ardemment à Dieu la sainte vertu d'humilité. Le Seigneur écoute volontiers la prière du cœur humble et contrit, il exauça celle du pieux frère. Au moment où il parcourait ainsi le bois, une voix du ciel se fit entendre à lui et l'appela par deux fois, « Frère Massé, frère Massé !» Et lui, reconnaissant la voix du Christ, répondit aussitôt, « Mon Seigneur !» Jésus lui dit, « Que veux-tu sacrifier pour obtenir la grâce que tu demandes ?»« Seigneur, répondit le frère, faut-il les yeux de ma tête ? Je suis prêt à les donner. Tes dispositions me suffisent, reprit le Christ, reçois la faveur que tu souhaites, je te l'accorde gratuitement. » Et la voix cessa de se faire entendre. Dès ce moment, rempli de la grâce que lui procurait la lumière de Dieu et la vertu d'humilité qu'il avait si vivement désirée, frère Massé éprouva une continuelle jubilation. Souvent, pendant ses prières, il poussait des gémissements semblables au roucoulement de la colombe, et il demeurait ainsi en contemplation, la figure rayonnante de joie et le cœur palpitant de bonheur, et puis, dans la perfection de son humilité, il s'estimait la plus indigne de toutes les créatures. Un jour que frère Jacques de Falleron lui demandait pourquoi il exprimait toujours sa joie de la même manière, il lui répondit, la figure encore toute radieuse, qu'il n'y avait rien à changer là où tout le bien se trouvait. Note. Il y a ici, dans l'auteur, trois U, que l'on doit prononcer, en italien, ou, diphtongue qui, par sa répétition, donne une imitation du roucoulement de la colombe. Chapitre 33. Comment Sainte-Claire, sur un ordre express du pape, bénit les pains qui se trouvaient sur les tables, et comment, après cette bénédiction, le signe de la croix parut sur chacun de ces pains. Sainte-Claire, l'amante toute dévouée de la croix du Christ et la noble plante cultivée par les soins de saint François, avait une grande réputation de sainteté. Les évêques et les cardinaux désiraient vivement la voir et l'entendre, et le pape lui-même voulut la visiter plusieurs fois en personne. Un jour qu'il était allé la trouver à son monastère pour l'entendre parler des choses de Dieu, Sainte-Claire, pendant la conversation, fit préparer les tables, et lorsque l'entretien fut terminé, s'agenouillant respectueusement devant le Saint-Père, elle le pria de bénir les pains. Sœur Claire, fidèle épouse du Christ, lui répondit le pape, « Je veux que vous donniez vous-même cette bénédiction, par le signe de cette croix à laquelle vous êtes toutes dévouées. » Saint-Père, dit la sainte, ce serait une trop grande témérité à moi, qui ne suis qu'une misérable femme, d'oser remplir cet office en la présence du vicaire de Jésus-Christ, daignez m'excuser. Eh bien, reprit le pape, pour que cet acte ne vous soit pas imputé à présomption et qu'il vous procure au contraire le mérite de l'obéissance, au nom de cette sainte obéissance, je vous l'ordonne, faites sur ces pains le signe de la croix et bénissez-les au nom de Dieu. » Sainte-Claire, en véritable fille de l'obéissance, donna sa bénédiction. Au prodige, aussitôt le signe de la croix parut parfaitement tracé sur chacun des pains. On en mangea une partie et l'on réserva le reste comme un témoignage du miracle qui venait de s'opérer. Le Saint-Père voulut en prendre lui-même, et après avoir donné sa bénédiction à la sainte, il partit en rendant grâce à Dieu. Vers ce temps-là, Sainte-Claire avait avec elle, Dans son monastère, sœur Hortulane, sa mère, et sœur Agnès, sa sœur, toutes deux riches en vertu et remplies de l'Esprit Saint. Elle avait encore sous sa discipline plusieurs autres religieuses, et saint François leur envoyait souvent des malades auxquels elle rendait la santé par leurs prières et le signe de la croix qu'elle faisait sur eux. Chapitre 34. Comment saint Louis, roi de France, se rendit, en habit de pèlerin, à Pérouse, où il alla visiter le saint frère Égide. Dans le temps où saint Louis, roi de France, visitait en pèlerin les sanctuaires les plus vénérés, ayant entendu parler de la haute sainteté de frère Égide, l'un des premiers compagnons de saint François, il résolut d'aller le visiter, et se rendit à Pérouse où il se trouvait. Arrivé à la porte de son couvent, comme un pauvre pèlerin et un inconnu, suivi seulement de quelques-uns de ses gens, il le fit demander par le portier, sans lui faire connaître qui il était. Celui-ci alla aussitôt avertir le frère qu'un étranger désirait lui parler. À l'instant, une vision intérieure révéla à frère Égide que ce pèlerin n'était autre que le roi de France. Il quitte sa cellule et va au-devant de lui. Dès qu'il se voit, quoi que ce soit pour la première fois, ils se jettaient genoux tous deux en même temps, et s'embrassant tendrement ils demeurèrent appuyés cœur sur cœur, confondus dans cet embrassement d'amour et d'effusion, sans échanger une seule parole. Après être restés ainsi embrassés pendant très longtemps, toujours à genoux et dans un profond silence, ils se détachent l'un de l'autre, se lèvent et se quittent, le roi pour continuer sa route, et le frère pour rentrer à sa cellule. Après le départ du roi, un frère demanda à l'un de ses compagnons s'il connaissait l'étranger qui s'était tenu si étroitement embrassé avec frère Égide. Celui-ci répondit que c'était Louis, roi de France, qui était venu le visiter. Cette nouvelle se répandit bientôt parmi les autres religieux, qui furent très fâchés de ce que frère Égide n'avait adressé aucune parole au roi. Ils allèrent lui en faire des reproches. Ô frère Égide, lui dirent-ils, pouvez-vous être si peu charitable, lorsqu'un si saint roi vient de France exprès pour vous voir, que de ne pas lui dire un seul mot? Ah mes frères bien-aimés, leur répondit frère Égide, ne vous étonnez pas si ni moi ni lui nous n'avons pu nous parler, car dès que nous nous sommes embrassés, la lumière de la divine sagesse m'a révélé tout son cœur et lui a révélé le mien. Et ainsi, en nous regardant dans nos deux cœurs, nous nous connaissions bien autrement que si nous nous étions parlé, et avec une bien autre consolation que si nous avions voulu rendre par des paroles ce que nous sentions, tant la langue humaine est incapable d'exprimer les secrets mystères de Dieu. Sachez donc que le roi m'a quitté satisfait et le cœur rempli de consolation. Note. Monsieur de Montalembert a traduit une partie de ce chapitre dans sa magnifique introduction à son histoire de Sainte Élisabeth. Nous nous sommes servis de sa traduction dans la nôtre. Roi saint de la première couronne chrétienne, brave jusqu'à la témérité, n'hésitant pas plus à exposer sa vie qu'à courber sa tête devant Dieu, amoureux du danger, de l'humiliation, de la pénitence, champion infatigable de la justice, de l'opprimé, du faible, personnification sublime de la chevalerie chrétienne dans toute sa pureté, et de la véritable royauté dans toute son auguste grandeur. Tous deux dévorés de la soif du sacrifice, du martyr, tous deux perpétuellement préoccupés du salut de leur prochain, tous deux marqués de la croix du Christ, François dans les glorieuses plaies qui lui sont communes avec le crucifié, et Louis dans ce milieu du cœur où gît l'amour. confère Walter von der Vogelwed. Ces deux âmes si identiques dans leur nature et leurs tendances, si bien faites pour se comprendre et se chérir, ne se rencontrèrent jamais sur la terre. Mais une pieuse et touchante tradition veut que Saint Louis soit allé en pèlerinage au tombeau de son glorieux contemporain, et qu'il y ait trouvé un digne successeur de Saint François dans un de ses disciples les plus vénérés, le bienheureux Égidius. L'histoire de leur rencontre donne trop bien la mesure du siècle dont nous traitons, pour qu'on ne nous pardonne pas de la rapporter. Saint Louis étant donc venu d'Assise au couvent de Pérouse, où demeurait Égidius, le fait prévenir qu'un pauvre pèlerin demandait à lui parler. Mais une vision intérieure révéla aussitôt aux frères que ce pèlerin n'était autre que le saint roi de France. Il court au devant de lui, et dès qu'il se voit, quoi que ce soit pour la première fois, il se jette à genoux tous deux au même moment, et s'embrassant tendrement, ils demeurent longtemps appuyés sur le cœur l'un de l'autre, et confondus dans ce baiser d'amour et d'effusion intime, sans échanger une seule parole, etc. Markham Dan Archivorg d'après Books Google FR et Archivorg Ambroise Bréa 1859 et Bréa et Retaux 1883. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.